Ouais, les méchants ça, ça nous ça. La sécurité des actes, c'est qu'on doit théâtrer. Cette larme n'a pas vu d'ombre. Aïe aïe aïe, c'est des lieux ça. On dit rien. Écoute celle-là, là ils s'en va. DJ Kai Green. Baba, tipi li pipi, mi fait dans ses zones. N'importe quel pas mille ennemis, toujours au top. Droite, gauche, sur côté, allez, pompez l'eau. Haha, allo, tikande, il s'en a. On a point bataille, la faut amuser. Basse, il y boit trop belle, la faut doser. On y en a pour battre, on fait péter. Si la gauche, lagué, papa. Si la droite, lagué, lagué. Devant, allez, fait péter. Déye, lagué, mon copine. Chéri, doudou, doudou, chéri. Chéri, doudou, doudou, chéri. Celle-là les dos, oui, totos. Celle-là il trappe fort, oui, trappe fort. Mettez Nico et le, ouvrez la fête, nous le toujours abonné. Hey, nous y'aime la fête, nous apprécie la vie sans prise de tête. Haha, mamie les andons, dans n'importe quelle ambiance, mais les andons. Ben sous les andons, dans n'importe quelle ambiance, mais les patons. Wouhou, ah, Azami boit sous, mais prends le volant. Aïe aïe aïe. On y prend volant, mais pas qu'on laisse, pas qu'on les fait monter. Allô, Azami boit sous, mais prends le volant. Dis pas ça fort, gars, le fou. Ouais bébé, ouais bébé, ouais bébé, vas-y bébé. Ouais bébé, ouais bébé, ouais bébé, encore bébé. Ouais bébé, ouais bébé, ouais bébé, doucement bébé. Fais roule manivelle, pas l'envie, fais roule la livre, roule ton bassin. Fais roule manivelle, pas l'envie, fais roule la livre, roule ton bassin. Allez, fatiga ils sont magnan, allez, fatiga ils sont magnan. Allez, fatiga ils sont magnan, allez, fatiga ils sont magnan. Doucement bébé.